Donc la France fait la promotion d'un type de binationaux dont la figure centrale, c'est les gens comme la Chine Bembe, les Zizou. Alors que Nathalie Yam, une femme extrêmement brillante, belle d'abord, physiquement. En plus, brillante. Oui, c'est notre soeur. Brillante. Oui, c'est l'Africaine, ça. C'est l'Africaine. Belle d'abord, brillante. Et en plus, elle est une femme. En plus, elle est une femme. Ce qu'elle fait là ne doit pas faire tache d'huile. Parce qu'elle est en train de prôner la naissance d'un type de binationaux, n'est-ce pas, qui va être binational, mais en privilégiant les intérêts de l'Afrique. On ne veut pas de ça. Les mondialistes ne veulent pas de ça. On est là sur le terrain idéologique, là. Et stratégique. C'est ça pourquoi on a. Ils frappent violemment comme ça. Afrique Média, le monde, c'est nous.